Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « De l'évolution à la conscientisation ». On va cesser de modiner à partir de 8h30. Là. On va commencer à se conscientiser. Quelle année? Quel jour? Ah oui, ça, je précise pas, ça dépend. Est-ce qu'il faut cesser d'évoluer pour commencer à se conscientiser ou est-ce que la conscientisation, c'est la suite logique de l'évolution? Ben, logique, disons que la logique n'a rien à voir là-dedans. Probable. La probabilité non plus. Certaine. Évidente. Ah, absolument. La conscientisation fait et est la mécanique qui va faire en sorte qu'on va cesser d'évoluer. On va évoluer? Non. On va totalement échapper aux mécaniques d'évolution. On n'évoluera plus, on n'évoluera plus. Voilà, tu comprends, mais t'asseoir, ça va être bon. On va aller plus haut que d'habitude. Il y a l'air à comprendre. L'évolution, c'est exactement la partie larvaire de l'ascension, puis la conscientisation, c'est la partie où on peut voler, c'est la partie ascensionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évolution, c'est exactement le chemin ou les phases que devra suivre la larve pour devenir une chenille. La chenille pour finalement devenir une chrysalide, se mettre dans un cocon. Alors, à un moment donné, vers la fin de son évolution, il y aura une métamorphose que, dans le contexte ascensionnel humain, on appelle une mutation. Et par la suite, quand la chenille sort du cocon, ben, c'est un papillon. Alors là, ça déploie ses ailes et à partir de là, on peut parler de conscientisation, c'est-à-dire que tu décolles puis tu t'en vas. Alors, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu vivais avant. Le parallèle arrête là, évidemment. Alors, pas des prédateurs, des papillons, il n'a pas de problème. Sauf que l'évolution, c'est exactement ça. L'évolution, c'est une ascension horizontale. Un monarque, c'est un papillon. Évidemment. Alors, une évolution, c'est une ascension horizontale, c'est-à-dire que, comme le chenille, on est toujours horizontal. Ce qui veut dire que l'humain, il passe d'une religion à une religion, à une secte, à une philosophie. Ça peut être au matérialisme, qui est une religion, une philosophie. Il revient au yoga, il passe ceci, il passe cela, et puis c'est de l'évolution. La conscientisation, c'est vertical, c'est totalement différent. Donc, lorsque l'humain commence à se conscientiser, au lieu de cheminer d'un point de vue à un autre comme ça, il commence à avoir la capacité d'englober tous les points de vue à la fois. Et à un moment donné, il commence à vibrer d'une conscience les événements et les choses qui l'entourent. Ça veut dire que la personne finit par être en contact avec l'absolue réalité qui a sous-tendu son évolution. En termes plus clairs, ça veut dire que la conscientisation, c'est la capacité qu'on aura, ou que certains ont déjà, de comprendre une chose et de savoir les choses avant de les expérimenter. Et c'est la possibilité qu'a l'humain de savoir les choses à l'instant où il a besoin de les savoir. C'est de la conscientisation. Alors, à un moment donné, l'humain se demande qu'est-ce qu'il devra faire demain matin, et puis il le sait instantanément, c'est nécessaire qu'il le sache. L'humain se pose la question, à quoi je sers? Et en même temps qu'il dit à quoi... Bon, il a déjà la réponse, et ces réponses-là sont des réponses qui vont satisfaire et le corps physique, et le corps vital, et l'astral, donc l'ego, donc la psychologie, et le corps mental, et évidemment le plan supramental. Donc, lorsque l'humain commence à se conscientiser, les réponses qu'il a, ce ne sont pas des réponses... Dans le sens, va te coucher et cesse de poser des questions, un peu comme on disait avant quand on disait « les voies de Dieu sont impénétrables », ça voulait dire « ferme ta boîte et va te coucher ». Quand lui-même va avoir des réponses, il va avoir des réponses qui vont être finales. Est-ce qu'il va avoir moins de questions? Il n'y aura plus de questions parce que lui-même n'aura pas le temps de se poser des questions. Lui-même va dire « à coup, bon voilà, ça y est, est-ce que, bon, ok, c'est correct, c'est bon, c'est parfait ». Alors, je sais, les conversations aussi, puis les conférences sur cassette vont être un peu plus écourtées. L'humain n'aura pas besoin de se poser des questions. Pourquoi? Parce que l'humain va être et la question et la réponse en même temps. Une question, c'est un point de vue. Une réponse, c'est un point de vue. Celui qui a la question et la réponse ont les deux points de vue. Maintenant, la pluralité des points de vue est une mécanique qui appartient seulement à l'être qui devient conscient. Il est capable d'englober les points de vue de tout le monde, donc il ne s'obstine plus avec personne et il comprend tout le monde. Et il est capable de gérer cette plurivisualité. La personne qui est consciente, elle est consciente. Ça veut dire que lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui est raciste, elle comprend pourquoi il est raciste. Elle trouve que ce n'est pas esthétique, elle trouve que ce n'est pas écologique dans un monde particulier, et elle trouve que c'est essentiel dans un autre monde. La personne qui rencontre une personne qui est sexiste, elle trouve qu'elle comprend la personne qui est sexiste, elle comprend, c'est tout à fait évident. Un ego, un peu, c'est facile. Si je suis conscient un peu, je vais dire, bon, quand tu te mets en colère, je vais dire, c'est logique, un ego comme celui que tu as va nécessairement se mettre en colère. C'est mathématique. À la personne qui devient consciente, elle est capable d'appliquer dans sa vie au fur et à mesure de son évolution et de sa conscientisation, parce que la phase d'évolution n'arrête pas net quand tu commences à te conscientiser. Il faut que tu te tires les ailes, il faut que tu te laisses sécher un peu au soleil, tu es encore un petit peu laid, et à un moment donné, ça va être correct. Alors, la personne qui se conscientise a la capacité de comprendre et de suivre la progression des individus. Elle est pas mal pris avec ça. La personne qui évolue, par contre, est une personne qui apprend des choses. L'évolution, c'est typique de l'âme. L'évolution, c'est une mécanique qui appartient uniquement à ceux ou à celles qui ont des âmes. Donc, l'évolution n'appartient qu'à l'être humain. Par contre, l'évolution, c'est le temps que nous allons prendre pour finir par se rappeler. Et on va s'en rappeler par l'expérience, c'est-à-dire qu'après avoir essayé tous les endroits du mur, on va trouver la sortie. Là, on va se dire, il me semblait aussi que c'était là. Est-ce que pendant la période de l'évolution, est-ce qu'on accumule une certaine forme d'énergie qui va nous mettre au niveau de la conscientisation? Oui, on accumule. Si on pourrait tout laisser faire ça, c'est-à-dire, tantôt tu disais, on peut devenir matérialiste, on peut faire du yoga, on peut faire. Mais ça, j'imagine que pendant ce temps-là, on accumule de l'expérience, théoriquement aussi une certaine forme d'énergie. On peut couper court à ça? Non. Ou est-ce qu'on doit... Eh oui. Autrement dit, oui. Ou non. Bon, oui. C'est clair. Est-ce qu'on peut éviter le processus de l'évolution pour arriver directement à la conscientisation? Non, tant que ta génétique n'est pas la bonne. Mais oui, du point de vue de la conscience humaine. Quand l'individu est capable de comprendre, quand l'individu est capable de vibrer ce qu'il sait, quand l'individu est capable de savoir, quand la personne est capable d'appliquer dans sa vie les choses, quel que soit l'état de son corps physique, elle est capable de passer directement à l'état de conscientisation, donc elle n'aura pas besoin de ramasser une bonne vue d'énergie pour se faire évoluer le corps physique. Qu'est-ce qui fait en sorte que le corps physique va muter pendant l'expérience de l'évolution pour passer à la conscientisation? Bon, les stress, les expériences, est-ce que c'est... Dans le cheminement normal, c'est ce qui va arriver, c'est que l'être humain vit des émotions, les émotions agressent le corps physique. Le corps physique s'arrange toujours pour muter, très mineur, ces mutations, pour résister à l'agression du corps physique, de l'émotion. Et à un moment donné, on a des enfants, c'est transmissible génétiquement, puis à travers des millions d'années, on finit par avoir des corps physiques capables de supporter la vision d'un avion qui vole. Ah, c'est catin, regardez un avion voler. Pour la majorité des personnes, parce qu'il y en a qui ont peur que ça leur tombe sur la tête, ils regardent l'avion voler puis ils se disent, mais il n'y a rien là. Ouais. Retournons 30 000 ans en arrière, puis si on aurait vu un avion voler, on serait probablement tout devenu fou ou folle. Pour ceux qui n'ont pas fait. Alors, aujourd'hui, on est capable de facilement, sans aucun problème, supporter la vision d'un avion qui vole. On est capable de supporter le bruit d'un moteur. On entend un moteur, va dire, tiens, son silencieux, il a perdu son silencieux, pas de silencieux, ce gars-là, ou cette fille-là. Je parle pour ceux qui parlent beaucoup. C'est l'auto qui n'a pas de silencieux. Et voilà 50 ans, juste le fait d'entendre les moteurs, c'était la panique. Et puis l'humain va dire, ouais, c'est parce que c'est habitué. Eh bien, moi, je peux, une fois par jour, égorger quelqu'un devant vous, vous allez voir, vous 50 ans, vous ne serez pas plus habitué. L'évolution a fait en sorte, à travers le temps, que l'humain est parvenu à vivre des choses. On est capable, par exemple, pendant longtemps, l'humain avait peur des océans. Et à un moment donné, l'humain était rendu suffisamment solide dans sa structure psychologique et physique pour être capable de supporter le stress que peut occasionner le fait de flotter sur l'océan. Alors, ils ont fait des bateaux, et les Phéniciens sont les plus connus, puis ils ont commencé à faire du cabotage, c'est-à-dire qu'ils longeaient le bord des côtes. C'était des cabotins. Ils ne comprenaient pas qu'ils pouvaient aller plus vite, des fois, en coupant à travers. Et plus progressivement, eh bien, les personnes ont commencé à être capables de supporter l'idée de s'éloigner des côtes. Ça, évidemment, ils l'ont supporté quand les tempêtes les ont emmenés à l'extérieur, mais plusieurs revenaient fous. Complètement fous. Les Vikings pensaient même qu'au bout de l'océan, c'était... Pas problème que les Vikings, tout le monde, on pensait que la Terre était plate. C'est pour ça qu'on disait voyager aux quatre coins du monde. Puis quand tu arrivais au bout, ben là, tu tombais. Tu tombais sur le dos de l'éléphant ou de la tortue ou sur le dos d'Hercule ou sur le dos, dépendamment des religions. Puis, ce que tu allais faire là-bas, on ne sait pas trop. Tu servais de bouffe. Les personnes, à un moment donné, ont été capables de supporter la vision. Quand les marins, les tempêtes avaient éloigné, quand les marins, ils revenaient fous, ils étaient totalement fous, fini. Ces marins-là n'avaient pas pu supporter ce qu'ils avaient vu. Donc, ce qu'ils avaient vu, devait être horrible. C'était des monstres. C'était pas quelque chose comme ça. vous avez échappé aux enfers. Et donc, les traditions, évidemment, parlaient que de l'autre côté, il y avait des monstres marins, des choses comme ça. Et puis, progressivement, l'humain a commencé à être capable, dans son évolution, de supporter ces choses-là. Pour nous, ça devient facile aujourd'hui, parce qu'on est habitué de supporter, je parle dans un micro, puis par un fil électrique, ma voix s'en va. Hein? Quelqu'un me disait, à un moment donné, quand il regardait le corps, tu sais, le corps vision, vous connaissez ça, le corps vision? Oui. Déconnecte le corps, regarde là-dedans, que tu vois. Pas grand-chose. Les images, il faut que ce soit petit, hein, passer là-dedans. Pour arriver jusque dans le téléviseur qui les agrandit. Étant plus jeune, je passais des journées assis en arrière de la télévision. Ouais, je demandais à ma mère par où entrait ceux qui entraient dans la télévision. Ça explique des choses. Hein? Ça explique des choses. Ça explique des choses. C'est vrai que c'est des questions qu'on a toi en absolument. Sauf que toi, en tant qu'enfant, tu n'étais pas stressé de voir. C'était intéressant. C'était curiosisant. Hein? Ça a développé la curiosité. Mais c'était correct. Sauf qu'aujourd'hui, on finit par voir ça comme étant banal et ça, c'est le résultat de l'évolution. Là, il y avait pendant l'antenne, pour un copain pis, mais pas de cas. C'est pour ça qu'on parlait des Martiens. Mais aujourd'hui, on est capable de supporter facilement ce genre de choses-là. L'homme est allé sur la Lune, hein? Il y a un bonhomme qui est allé sur la Lune, quelqu'un qui est allé sur la Lune. Ils ont laissé des traces, puis ils ont laissé des vestiges de pollution. Et puis, ça va. La première fois que Saturne V a décollé avec une navette, avec une capsule, c'était pour l'humain un grand stress émotif. Alors, les personnes étaient arrivées sur leur téléviseur, puis on regardait, mais on était prêts à supporter le décollage d'une capsule, et puis à un moment donné, ben, ils ont été faire un tour autour de la Lune, on était prêts à le supporter, puis à un moment donné, ben, là, il y a un module lunaire qui allait atterrir là-dessus, puis on nous a filmé ça en couleur et noir et blanc, et puis ça sautait un peu, puis finalement, ils ont été là-bas avec un Jeep, et puis là, sur la navette spatiale, ils décollent, puis ils viennent atterrir sur nos aéroports. Progressivement, on s'adapte aux choses qu'on a déjà eues, puis qu'on va avoir, évidemment, c'est beaucoup mieux que ça. Mais ça fait partie de l'évolution, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux choses neuves, à travers le temps. Pourquoi? Parce que le corps physique doit être capable de supporter l'énergie créée lors d'un contact en harmonique avec des événements. Quand vous regardez quelque chose, ce n'est pas uniquement une structure biologique qui contemple des rayons photoniques. Quand vous regardez un paysage, la lumière qui frappe les yeux, puis bon, ça émet des stimuli neuroniques, puis là on dit « wow, c'est beau, puis on voit, c'est laid ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le cerveau doit capter ce qu'il voit, il doit résister à ce qu'il voit, c'est-à-dire supporter toute l'énergie qui va être engendrée par la dépolarisation dans le cerveau. Quand vous me regardez, là, il se passe plein de choses chez vous. Il y a des personnes, par exemple, qui me rencontrent en particulier de temps en temps, et puis là, ils sont plus capables de parler, ils se mettent à transpirer, le corps physique n'est pas encore assez solide pour être capable de supporter ma proximité. Il y a des personnes qui vont rencontrer leur patron, qui vont rencontrer d'autres personnes, c'est la même chose. Il y a une partie, évidemment, de l'événementiel qui se crée à l'intérieur de soi, et on doit physiquement être capable de supporter le monde intérieur. Les personnes qui sont malades par psychosomatose, donc le stress, par exemple, des choses comme ça, la majorité des maladies sont des maladies psychosomatiques. Leur corps physique n'est pas encore capable de supporter leur vie intérieure. Et l'évolution va faire en sorte qu'un jour, les corps physiques seront capables de supporter les vies intérieures banales des gens de la fin du 20e siècle. Sauf que nous sommes capables de supporter le stress banal des gens du 15e siècle. Puis quand j'étais en Amazonie ou quand j'étais dans le Petén au Guatemala, j'ai rencontré des indigènes. Puis leur stress, je le supportais facilement, leur stress. Eux, ils peuvent en être malades. Mais c'était pas franchement, c'est se demander, par exemple, est-ce que lorsque tu les mets près l'oreille, est-ce que ça va plaire tout le village, c'est un gros stress, ça. Puis là, la femme, elle se met un gros morceau dans le nez, puis là, elle se demande s'il est assez gros, puis il va-tu passer, il va-tu pouvoir rentrer dans le cadre de porte de sa hutte, tu sais. Puis ça, c'est un gros stress. Est-ce qu'il y a une relation entre les maladies qu'on a, qu'on peut avoir, et puis l'énergie de l'esprit qui nous habite, ou l'esprit qu'on est dans notre corps? C'est-à-dire qu'il y a une relation entre les maladies qu'on a et la capacité qu'a le corps de supporter la vie intérieure, nos désirs, nos espoirs, nos illusions, nos déceptions, ces choses-là, et la capacité que le corps physique de supporter la vie extérieure. Parce qu'à un moment donné, vous vous promenez sur la rue, puis l'automobile qui klaxonne. Mais sur trois personnes, il y en a deux qui sursautent. Donc, leur corps physique n'est pas encore capable de supporter le stress d'une condition extérieure de ce genre. L'autre personne ne sursaute pas. Quelqu'un va dire peut-être qu'il n'a pas sursauté, mais ses poumons ont fait deux tours. C'est la même chose. Les corps physiques ne sont pas encore suffisamment solides pour supporter les stress. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que normalement, la quantité de stress extérieur est proportionnel un écran en avance à ce que le corps peut supporter. Autrement dit, on a toujours vécu historiquement dans des situations, dans des civilisations, dans des sociétés qui étaient légèrement plus stressantes que ce qu'on pouvait supporter. C'est ce qui a fait qu'on a évolué, que le corps faisait quelque chose. Ce qui a fait qu'on a évolué, et c'est ce qui a fait aussi qu'on était malade, puis qu'on a trouvé la boisson pour atténuer la répression sensorielle de toutes les sens. Donc, qu'on a trouvé la drogue, les différentes drogues. On pense que les drogues nous font évoluer. Les drogues comme la boisson, c'est la même chose. Les Amérindiens, eux autres, ils avaient besoin de songes pour évoluer. Puis avec l'eau de feu, les songes, ils en avaient tant qu'ils en voulaient. Ils n'avaient même pas besoin de transpirer 3-4 jours avant, c'était facile. C'était pas les bons songes. Mais maintenant, c'est ça. L'humain a besoin de cultiver une vie intérieure qui, normalement, devrait lui permettre d'expliquer la vie extérieure. Puis le corps est entre les deux. Ça fait partie de l'évolution. L'évolution, c'est la solidification du corps physique. Donc, tant qu'on a un corps physique insuffisamment solide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas suffisamment de conscience pour commencer à appliquer les mécaniques que la conscience nous a enseignées, donc la conscience des autres nous enseigne, mais la conscience des autres, ça ne nous enseigne absolument rien si on n'a pas suffisamment de conscience pour être en harmonie avec la sienne. Autrement dit, si vous m'expliquez quelque chose, puis je suis d'accord avec vous, c'est parce que je suis suffisamment conscient pour être en harmonie avec votre conscience. Sans ça, je ne pourrais pas comprendre ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que je dois manger des choses bonnes pour la santé. Puis moi, je vais dire, ça a de l'allure, c'est logique. Puis quand c'est le temps d'aller au restaurant, ben là, je mange des cochonneries, puis je mets beaucoup de sel, du chlorure de sodium, puis je mange des frites, puis des poutines, puis bon. Mais c'est logique ce que vous me dites. Autant que c'est des frites sans cholestérol, des frites dans l'huile. De l'huile sans cholestérol, ouais. Puis de l'huile sans calories. Et c'est 100% calorique, donc pas d'huile du tout. Là, la majorité des personnes ne peuvent pas penser mutation, c'est-à-dire abréger une partie du fardeau de leur souffrance évolutive, tant que ces personnes-là n'auront pas l'énergie nécessaire pour prendre leur corps et le bouger. Dans cet exemple-là, dans la conversation, il faudrait que la personne non seulement entende ce que l'autre dit, mais applique. Là, ça serait vraiment conscience. Il faut que la personne développe un ajusteur de pensée. Il faut que la personne développe un ajusteur comportemental. Quand la personne est capable d'être en contact suffisamment puissant avec son ajusteur de pensée, son ajusteur comportemental, la personne est maintenant totalement en phase de mutation, c'est-à-dire qu'elle est sur le chemin de la mutation. On a toujours parlé de l'ajusteur de pensée, c'est un phénomène qui est tiré la première fois sur la planète où ça a été amené, le mot ajusteur de pensée. C'est un psychiatre qui a amené ça quand il a écrit la cosmogonie du ratio. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanique qui permet à l'humain psychologique d'entrer en contact avec ce qu'il est, avec l'humain réel, l'humain plus absolu. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanique énergétique qui vient ajuster la pensée chez la personne. Donc, ça rectifie son processus de pensée. La personne, par exemple, elle dirait, c'est plate aujourd'hui. Puis, en même temps qu'elle vient pour dire ça, elle dit que c'est con de dire que c'est plate aujourd'hui. Elle vient de conscientiser qu'il y a une mécanique qui n'est pas correcte. C'est son ajusteur de pensée qui travaille. Progressivement, la personne va digérer l'ajusteur de pensée. Quand je dis digérer l'ajusteur de pensée, ce que je veux dire, simplement, c'est que la personne, elle va finir par... Faut pas montrer trop le son, parce que moi, je loigne mon micro, puis il monte le son. Quand je m'entends parler, là, ça me coupe. Je le laissais parler. Je veux pas t'interrompre. Mais c'est ça. Quand je m'entends... C'est vraiment poli. C'est ça. Alors, l'ajusteur de pensée, donc, c'est... Ah, là, c'est bien. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanique qui permet à l'humain, dans sa structure psychologique, de comprendre qu'il a accès à un contact particulier qui ne le met pas en contact avec un maître, qui ne le met pas en contact avec un esprit décédé, ni même avec une divinité, ça le met en contact avec une partie plus absolue de ce qu'il est. Gérer son ajusteur de pensée, ça veut dire être capable de se passer du concept de l'ajusteur de pensée. Quand quelqu'un a digéré son ajusteur de pensée, ça veut dire que la personne elle est capable de fonctionner avec cette communication-là sans être obligé de créer dans sa psychologie l'idée qu'elle est en contact avec une mécanique. Comme intégrer totalement une mécanique. Autrement dit, moi, est-ce que j'ai un ajusteur de pensée? Non. Pourquoi? Je n'ai pas besoin. Nous autres, on n'a pas besoin non plus. Oui, vous en avez besoin. Oui, mais un jour, quand on n'aura plus besoin, on va être capable de comprendre qu'on n'a jamais eu. C'est exact. Donc, on n'en a pas. Non. L'ajusteur de pensée est extrêmement existentiel. C'est un concept, donc c'est une forme d'énergie qui a la propriété de permettre à l'humain de supporter psychologiquement, le fait que de temps en temps, elle va se rectifier. Bon. Théologiquement parlant, on pourrait dire, il y a ta bonne conscience qui te parle. Je dis, faire ça. Oh, fais pas ça. Mais la bonne conscience, ça peut être aussi des traces mémorielles de l'éducation, des inhibitions, hein? Des courroux, des punitions ou des probabilités de punition qui nous traînent en arrière, des inhibiteurs qui nous empêchent d'avancer, autant sur le bon que sur le mauvais. C'est pas la bonne conscience. La bonne conscience, ça serait plutôt plus astral que le genre de pensée. C'est typiquement astral. Par exemple, la personne, elle décide de prendre un bain de soleil, elle dit, tiens, va aller dans un camp naturiste. Là, sa bonne conscience, on lui dit que c'est pas correct. Alors que biologiquement, puis stratégiquement parlant, puis divinement parlant, il n'y a rien là. Si tu veux aimer Dieu, ben, n'aie pas honte de ce qu'il a créé. Sans ça, on change de religion. Bon. Alors, la bonne conscience, c'est une structure astralisée, sauf que l'ajusteur de pensée, lui, va te diriger continuellement vers ce qu'il y a de plus esthétique, de plus intelligent, en fonction de ce que tu es capable de supporter. Ça, c'est dans la pensée puis dans la parole? C'est dans la pensée, surtout, par la suite, quand la personne commence à développer sa parole, l'ajusteur de pensée va ajuster sa parole aussi. L'autre que tu as mentionné tantôt, l'ajusteur de comportement. Oui, justement. L'ajusteur comportemental, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va se rajouter vers la fin de l'évolution pour engendrer le processus de conscientisation. C'est ce qui va faire de vous des êtres initiables, des êtres ascensionnels, des êtres qui sont maintenant sur une phase de réel changement. Tant qu'on a un ajusteur de pensée, on peut dire je comprends. Mais l'astral sera dur, je suis charrié, je suis manipulé, je suis trop faible, je suis pas capable, je suis pas assez fort, je suis influençable. L'ajusteur comportemental commence à se développer énergétiquement quand l'humain s'est suffisamment servi de son ajusteur de pensée. Et l'ajusteur comportemental va faire en sorte que tu as ici un truc pas bon à boire, tu as quelque chose de bon à boire là. Alors tu dis bon, je vais prendre mon coke. Je vais prendre mon coke, et l'ajusteur de pensée te dit immédiatement, c'est de l'eau que tu bois. Ben là, tu viens pour bouger, là, puis tu vas te rendre compte que l'ego est tellement puissant qu'il va quand même t'envoyer prendre le coke, même si tu sais consciemment que c'est de l'eau que tu bois. Ou du jus, quelque chose comme ça. L'ajusteur comportemental, il va faire en sorte que quand tu vas toucher le verre de coke, là, tu vas te sentir tellement mal à l'intérieur de toi que tu pourras pas. Tu vas te sentir bouger en dedans, l'ego va se promener énormément pour essayer de résister contre l'ajusteur comportemental. Puis finalement, tu vas peut-être même piquer une colère, ça c'est la guerre entre l'ego et ton ajusteur. Alors ça va être un maudit coke, bon, ou encore, puis à un moment donné, tu vas prendre l'eau, tu vas boire l'eau, tu vas placer l'eau-là. Tu peux conserver l'idée que tu aurais voulu du coke, puis par contre, tu vas commencer à percevoir que le corps est content si lui a donné de l'eau. L'ajusteur comportemental va faire la même chose avec les aliments. Tu prends ta salière, tu commences à saler, puis là, puis tu remets ça de bord, puis tu sais, avec ton ajusteur de pensée que tu n'as assez mis, tu aurais dû goûter au moins avant de saler, mais tu as maintenant progressivement l'énergie pour ne pas faire. Donc, tu commences à prendre ton corps puis à le bouger. L'ajusteur comportemental, il y a des façons évidemment d'entrer en contact avec, c'est-à-dire de développer ce phénomène-là chez soi. C'est la mécanique qui va suivre le contact avec l'ajusteur de pensée. Et par la suite, l'humain commence sa phase d'une égoïsation réelle, c'est-à-dire que le matin, il commence à exprimer dans la vie ce qu'il est, lui, en tant qu'être, disons, en tant qu'être. L'ajusteur de pensée encore. Nous aurait instruit, instruit vraiment. Il t'instruit, mais en plus, il te reprogramme. Puis l'ajusteur de comportement, lui, va permettre l'expression de la programmation au-dessus de la programmation d'ego. C'est de l'intégration. C'est ce qui va engendrer la cellularisation de ton évolution, donc intégration. Autrement dit, regardez ceci. La cellularisation, c'est la capacité qu'a la physiologie, qu'a les cellules, de codifier dans le code génétique votre évolution. Normalement, dans l'Antiquité, les personnes avaient des enfants à très bas âge. Donc, ils n'avaient pas vécu beaucoup, ce qui fait qu'ils n'avaient pas beaucoup cellularisé leur conscience. Mais là, aujourd'hui aussi, les enfants sont de très bas âge. Oui, mais on avait des enfants en bas âge. C'est vrai. Bon. Je t'expliquerai plus tard. Parce que, en tout cas, le mien... Ah, ouais, fiel. Mais quel âge, tiens, quand il est nommé? Une journée. Ah, ben, une heure. Moi, j'avais 9 mois. Et lui, une journée, il était précoce, pas mal. T'sais, normalement, on passe 9 mois devant de la mer. Puis on vient au monde à l'âge de 9 mois. Il y avait une journée, tiens. Ça, je te montre comment faire. Nouvelle technique. Ah, c'est ça. Ouais, OK. Je t'ai coupé, hein? Non, ça va. La farce était bonne, puis je n'avais d'autres. Alors, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que la personne qui va vivre son contact, la personne qui va développer son contact, son ajusteur de pensée, progressivement, elle va changer des structures qui sont chez elle, elle va accumuler de l'information. À travers le temps, la personne va cellulariser ces phénomènes Et quand elle va cellulariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, je vis, moi, 50 ans, et après j'ai des enfants, les enfants auront besoin probablement de 10 années de moins d'éducation. Je ne parle pas d'instruction, je parle d'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des enfants à l'âge de 20 ans, mes enfants devront être éduqués aussi. C'est-à-dire que les enfants ne bénéficieront pas de ma conscientisation dans cette vie-ci, ou presque pas. Alors, les enfants vont bénéficier, par contre, de l'évolution très, très minime des 20 années de tapochage physique que j'ai eu, c'est-à-dire les maladies, les stress, etc. Alors, l'enfant va être un peu plus résistant que moi. Et pour les enfants sont de plus en plus résistants. Prenons l'exemple. Pourquoi une personne, on dit souvent les personnes âgées apprennent moins vite. Les personnes âgées ont des corps physiques qui sont moins capables de supporter la nouvelle technologie, simplement. Mais ce n'est pas une idée de conscience. La personne âgée, si elle décide de s'y mettre, à un moment donné, elle va être capable, elle va devoir reformer son corps un peu. Et si elle progresse, on appelle cela de l'entraînement. Et après 6 mois, 1 an ou 2 ans, dépendamment de la personne, de ce à quoi elle veut s'attaquer, elle va être capable de comprendre. Alors, on achète un four au micro-ondes, on achète un vidéo, et puis on place ça dans le salon. Et puis, on se rend compte souvent que les parents ont de la difficulté à faire marcher le vidéo, puis l'enfant de 7 ans, sans lire les instructions, lui enregistre ses émissions. Pourquoi? Parce que le corps physique de l'enfant étant beaucoup plus capable de supporter le stress de la nouvelle technologie, il va nécessairement s'autoriser à apprendre beaucoup plus rapidement, et même à découvrir. Est-ce que ça aussi, ça fait en sorte qu'ils vont en faire plus d'expérience dans un plus court laps de temps? C'est ce qui va arriver. Évidemment, il y a des processus de loop, où, par exemple, on avait le premier personnage qui allait à pied, là, ben, quand on a commencé à dresser les chevaux, lui a peur des chevaux. Mais par cellularisation, à un moment donné, tout le monde allait à cheval. Quand on a inventé l'automobile, ben, ceux qui allaient à cheval avaient peur d'embarquer dans un automobile. Un automobile, c'est dangereux. Et à un moment donné, ben, là, tout le monde va en automobile. Ils ont commencé à mettre des avions. Les gens ont peur de prendre l'avion. Mais l'automobile, pas de problème. Puis l'avion, c'est le véhicule le plus sécuritaire que sa planète. Mais on a peur de l'avion. Hein? Puis aujourd'hui, il y a du monde qui prennent l'avion, qui n'ont plus peur, mais ils ont peur de monter à cheval. On tourne en rond. Uniquement parce que progressivement, mais ça dérange pas trop. Pourquoi? Ouais, je sais pas. Parce que progressivement, la personne, elle finit par abandonner des structures mémorielles qui ne lui servent plus, et elle est plus facilement capable de supporter de la nouvelle technologie. La cellularisation, donc, c'est la capacité qu'on a de codifier génétiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez cellularisé la relaxation, votre corps sera toujours relaxé. Si vous devez vous relaxer, c'est que vous n'avez pas cellularisé la relaxation, c'est que vous l'avez apprise. Plusieurs l'auront comprise. Et certains l'auront conscientisé, et quand l'ajustement comportemental va commencer à opérer, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez prendre conscience que vous êtes stressé, l'ajusteur comportemental qui vient de vous révéler cela, et vous allez vous-même vous relaxer. Et si vous ne le faites pas, vous allez à un moment donné vous rendre compte que vous vous relaxez quand même. L'ajusteur comportemental va nous dominer. Il va dominer le processus de l'ego qui tend à nous rendre stressé. Et l'ajusteur comportemental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que maintenant, votre conscience, vous l'appliquez. Mais l'ajusteur comportemental, comme tu en parles là, ça a l'air d'une possession. On va revenir là-dessus, la possession. L'ajusteur comportemental, donc, va faire en sorte qu'on va exprimer notre conscience. Puis en exprimant notre conscience, le corps va le vivre, va la vivre, la conscience. Le vivant, il va la cellulariser. Et là, le processus de mutation a commencé. Bon, pour répondre à ta question sur le processus de mutation. Là, la personne commence sa mutation. Là, ça veut dire que là, elle va finir par devenir une chrysalide, puis c'est pas bien long qu'à un moment donné, elle va sortir un papillon, ça reste. Une fois que ça s'est fait, la personne est dans l'étape de conscientisation anévolutive, c'est-à-dire que la personne n'évolue plus, n'a plus besoin d'évoluer. L'évolution, je répète encore, l'évolution, c'est le processus de l'âme. L'âme, c'est la seule chose qui ne se conscientisera jamais. Je disais dans des conférences antérieures que l'âme, c'est le seul processus chez l'humain qui n'évolue pas, dans le sens évolution globale, qui veut simplement dire partir, chimiquement, à partir du plomb et finir en or. L'âme, c'est une mécanique qui apprend, qui oublie, puis qui apprend, puis qui s'adapte. Mais ça ne comprend jamais rien, une âme. Alors, c'est pourquoi, même si Bouddha est passé, ou le Nazaréen est passé, ou Mahomet est passé, ou d'autres sont passés, l'humain est le même fondamentalement que ce qu'il était avant. Il a les mêmes jalousies, les mêmes guerres, les mêmes peurs. Il a encore de la misère à s'endormir la nuit. Il s'inquiète, puis il s'ennuie tout seul dans son coin. Il mange souvent un peu trop, etc. Bon, il s'enivre. L'ego, l'âme, ça ne change pas. Ça accumule, ça s'adapte. Et ça va faire en sorte que le corps physique va changer, lui. Parce que ça vient agresser sans arrêt le corps physique par les structures émotives. Et le corps physique a changé. Nos corps physiques ne sont pas les mêmes que les corps physiques des Romains. À l'époque, par exemple, de Jules. De Jules César. Sauf que nous sommes psychologiquement les mêmes personnages qu'à l'époque de Jules César. Mais nos corps physiques ne sont pas les mêmes. Beaucoup plus raffinés. Hein? On a des doigts beaucoup plus minces. On a un cerveau, une cérébralité beaucoup plus subtile, beaucoup plus rapide. On est capable de voir des choses, d'englober des choses, de parler de choses. L'humain est totalement changé du point de vue du physique. Et c'est le physique qui va l'amener à la conscientisation. Quand l'humain est prêt à la conscientisation, ça veut dire que l'humain commence à reconnaître chez lui sa supériorité sur tout ce qui existe sur la planète. Ça veut dire que l'humain reconnaît sa supériorité sur l'ego, sur la psychologie, sur la mort, sur la peur, sur l'angoisse, sur la jalousie, sur les plaisirs. L'humain reconnaît sa supériorité sur les réussites d'affaires, sur les réussites sociales. Je suis beaucoup plus important qu'une réussite d'affaires. Je suis beaucoup plus important qu'une réussite familiale. Je suis beaucoup plus important que ce que les autres pensent de moi. Quand l'humain commence à se conscientiser, l'humain découvre la supériorité de ce qu'il est lui sur tout ce qui existe sur la planète. Et l'humain va découvrir progressivement une supériorité même par rapport à tous les autres humains qui existent sur la planète. Mais psychologiquement, on dirait que c'est un complexe de supériorité. Exactement. Pourquoi? Ça fait partie des processus d'évolution. Il faut que tout le monde se prenne pour un petit minable. Moi, je suis mauditement plus important que toi, pour moi. C'est pas un complexe de supériorité, c'est une évidence. Probablement que, présentement, ou un jour, pour tu vas toi, comprendre oui. que toi, tu es beaucoup plus important que moi, pour toi. Je suis d'accord avec ça aujourd'hui. Exactement. Mais pas d'une façon égoïque. Alors, ça veut dire que moi, je ne me prends pas pour un autre. Je découvre subitement que je suis un autre. C'est-à-dire que je ne suis pas ce que j'ai pensé que j'étais. Je suis un autre. Je suis beaucoup plus important que ce que mes parents m'ont enseigné. Je suis beaucoup plus important que ce que mes professeurs m'ont enseigné. Je suis beaucoup plus important que ce que la société m'a autorisé à être. Pourquoi? Parce que je suis un être capable de conscience. Maintenant, je ne parle pas d'importance psychologique ou d'importance hiérarchique sociale. Est-ce qu'on parle d'utilité ou d'importance? Bon, on parlait d'importance du point de vue de la valeur énergétique. Ouais. Oui, c'est ça, pour l'ego. Parce que utile, on est tous utiles égales. À ce niveau-là, on est utiles égales. T'es aussi utile que moi. Sauf que moi, je réagis présentement énergétiquement par rapport à moi, je suis beaucoup plus important que moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, étant donné que je suis mon seul maître, puis ça, vous allez tous vivre ça à un moment donné, c'est absolument essentiel. La journée où vous allez être votre seul maître, c'est-à-dire la journée où vous allez être capable de savoir ce que sont les choses en fonction de vous-même, et non pas en posant la question à autrui, ben vous allez être pour vous beaucoup plus important que n'importe qui. Alors moi, je ne demanderai pas à Charles, par exemple, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Pourquoi? Parce que ce que Charles va me dire n'aura pas la même puissance que si je me le dis. Je suis mon meilleur maître, je deviens mon meilleur allié. Donc, je suis la personne pour moi, et pas selon moi. Pour moi, qui est la plus importante sur le système planétaire. Et ça, chaque personne ici va finir par découvrir ça, qu'il est pour elle, et non pas selon elle. Tu vois une nuance entre là? Oui. C'est, je suis selon moi le plus puissant de la planète. Pas ça du tout. Je suis pour moi le plus puissant allié de sa planète. Donc le plus utile aussi. Pour moi, oui. Oui. Mais pas le plus utile dans le contexte planétaire. On a tous notre utilité à jouer. Non, mais personnellement, là. Non. Et c'est ça, au d'accord. L'individu. Juste pour ajuster. Parce qu'il y a des cassins dans l'astral qui écoutent. Là, faut au niveau de l'individu, l'utilité, la plus grande utilité d'une autre personne sur la Terre, c'est lui-même. Exact. Pour lui. Mais il faut que l'humain le conscientise. Il ne faut pas que l'humain l'apprenne. Si l'humain l'apprend, l'humain ne pourra pas le prendre. C'est-à-dire que l'humain, il va dire, bon, je le sais, je le sais, je le sais. Ça ne va rien changer chez lui. Quand l'humain sait des choses, ça ne change rien chez lui, c'est que l'humain n'a pas conscientisé la chose. Alors, l'humain, il évolue, puis à un moment donné, dans son évolution, il commence à se conscientiser, ça grossit, puis progressivement, c'est l'évolution qui va diminuer. L'humain va conscientiser les mécaniques, puis quand l'humain va conscientiser les mécaniques, l'humain va commencer à se rendre compte que ça va changer des choses. Mais chez elle, bien avant d'échanger dans l'événementiel, ça va changer des choses chez lui-même. Alors, lui-même va commencer à devoir changer des choses chez lui. On a déjà fait une conférence sur le baromètre de l'évolution. Quand ça va bizarre autour de nous, cherchez l'intérieur de vous, créez des liens réflexes entre l'extérieur et ce qui se passe chez vous, et puis quand vous allez régler ce qui se passe chez vous, astralement, par mécanique réflexe, ça va régler ce qui se passe à l'extérieur. C'est facilement, croyez-moi pas, faites-le, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. Devenir la personne la plus importante pour soi, ça veut dire se respecter soi-même, s'aimer soi-même. Ça veut dire ne plus vivre d'une façon collective, ça veut dire ne plus jamais être assujetti à autrui. Ça veut dire ne pas être limité, par exemple, par ce que les autres vont penser de nous. Ça veut dire ne pas être limité par ce que nous allons penser d'autrui. Ça veut dire ne pas être limité par quoi que ce soit. Ça veut dire cesser de juger, de se juger. Ben, ça veut dire tout au complet. Ça veut dire être libre du point de vue de la conscience. Alors, l'humain qui parvient à la conscientisation, cet humain-là, nécessairement va découvrir qui il est. Il est son seul maître. Donc, il est la personne stratégiquement la plus importante sur le plan planétaire. Et ça, je ne dis pas que l'humain va l'apprendre. L'humain va finir par le vibrer à un point tel que ça va se rayonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous rencontrer, puis il aura l'impression qu'il ne peut pas vous passer de salade. Pas vous. Et ce qui va arriver, c'est que si lui ne se respecte pas, il sera contraint de vous respecter. Ils n'auront pas la puissance nécessaire pour vous bafouer, pour vous voler, vous faire des conneries. Ils seront contraints de vous respecter et on appelle cela de l'inhibition. L'être humain qui est conscient, l'être humain qui vit de la conscientisation est un être humain qui va nécessairement inhiber les plus faibles autour de lui. En les inhibant, il crée deux choses. Il crée une protection envers lui et il crée une protection envers l'autre. Alors la personne, évidemment, qui est inhibée, elle va devoir travailler des petites choses, mais pour se désinhiber, il faut apprendre à s'aimer. Dans ça, on se libère. Libère dans le sens psychologique du terme, on ne s'aime pas plus. Les personnes qui étaient inhibées sexuellement, puis à un moment donné, sont libérées, puis là, ils couchent avec n'importe qui, puis ils font un paquet de choses. Ils sont libérés psychologiquement, ils ne se sont pas désinhibés, parce que la désinhibition implique nécessairement l'intelligence. Alors, la personne qui va vivre la conscientisation va... Bon, dans l'évolution, il y a des mécaniques intéressantes, très intéressantes. Dans l'évolution, on doit souffrir. Il faut souffrir pour évoluer. Bon. Dans l'évolution, on doit être malade. Lunaire ou solaire, les deux formes d'évolution, c'est ce que c'est? Non, c'est l'initiation solaire surtout. L'évolution lunaire n'existe pas. L'initiation solaire, on va revenir là-dessus. Mais l'évolution, c'est l'initiation lunaire. Donc, dans l'évolution, on souffre, on meurt. On a peur. On s'inquiète. On a peur de souffrir, on recherche la paix. Quand on a la paix, ben dans l'évolution, on s'organise continuellement pour commencer encore à avoir des problèmes. On doit travailler. On doit perdre notre temps pour gagner notre vie, puis on doit perdre notre vie pour finalement aller chercher du temps. Bon, de la matière. Dans l'évolution, eh bien, on doit être puni. On doit être puni. Pas parce qu'on ne comprend pas. Non, on doit être puni simplement parce que ça fait partie des processus de l'évolution. On doit être puni. En vous lancez une roche désert, on retombe sur la tête. Ben, vous êtes puni. Vous auriez dû vous tasser. En réalité, c'est le processus d'essayer erreur pour parvenir à l'expérience, donc à apprendre. Mais apprendre n'implique pas qu'on comprend, ça implique qu'on apprend. On a vu suffisamment de répétitions. Est-ce que les karmas sont... Les karmas font partie de l'évolution. Seulement? Ils sont pas dans la conscientisation? Non, dans la conscientisation, l'humain est assujetti du karma. Il ne peut plus rien faire de karmique, donc il est assujetti du karma. Il ne fait pas ce qu'il veut, il ne peut pas faire rien des choses, il ne peut pas faire de choses karmiques. Dans l'évolution, donc, on doit vieillir. On de vieillir. Dans l'évolution, on doit tout faire pour s'aimer. Et chaque fois qu'on arrive à s'aimer, il y a une dégradation qui suit. Il faut qu'on se réadapte. Quand tu as t'aimé la tête comme il faut, là, tu commences à avoir plein de cheveux blancs. Là, faut que tu te réadaptes. Ça s'en vient. Tu commences à perdre tes cheveux, faut que tu te réadaptes encore. Ça commence à avoir des plis. Tu dis, mon nez est trop grand, mon nez est trop grand. Et maudit nez. À un moment donné, tu commences à dire, mon nez pas pire. C'est le pli qui est à côté là, qui m'achale. Tu commences à plisser, là. Ça fait partie de l'évolution. C'est de l'évolution où l'humain est continuellement confronté à devoir être traîné en avant pour avancer. Parce que l'humain a passé d'intelligence pour évoluer par intelligence. Donc, il évolue par obligation. Alors, l'évolution, c'est cette mécanique-là. L'évolution, c'est l'obligation, par exemple, de se brûler quand on boit son café. Hein? C'est l'évolution, l'obligation de manquer de lait quand tu viens ramper ton bol de céréales. C'est l'obligation, par exemple, que le téléphone sonne quand tu prends ton bain. C'est l'évolution. Les crevaisons, les pentes d'automobiles, les grosses tempêtes, les ouragans, les famines. C'est toute partie de l'évolution. Évolution, c'est méritoire. C'est-à-dire qu'on vous trouve génial quand vous évoluez, quand c'est du mérite. Hein, une personne, on regarde les martyrs catholiques, c'est des martyrs. Ils ont du mérite. C'est des martyrs. C'est de l'évolution. Autrement dit, comme j'explique souvent en séminaire, si on prend une arme à feu puis qu'on tire quelqu'un en plein visage, et puis que la balle lui arrache l'oreille, et puis que la personne se met à se concentrer, puis au bout de 5 minutes, elle a tout restructuré son oreille, bien, tout le monde ici, la majorité, les égaux vont se faire accrocher, puis vont se magnétiser par l'expérience, ils vont considérer que ça, c'est un maître. Alors que je prends une arme à feu, puis je pointe une autre personne, puis je tire en plein visage, sauf que mon arme s'enraye, ça marche, ça fonctionne pas. L'arme est bloquée. Et les gens vont dire, ah, ça, c'est un chanceux. Ça, c'est salaire. L'autre, c'est lunaire. Ah oui, mais lui, en tout cas, il est tout restructuré, c'est ça. Puis quand t'es dans la conscientisation, tu restructures pas ton oreille. En tout cas, il te manque. La balle part. Ou la balle part pas. C'est tellement plus simple. Fait que tu contrôles pas l'avion qui va s'écraser, puis tu mets des énergies en dessous, puis... Non. Quand t'es en train de conscientiser, là, tu prends l'avion, puis l'avion ne peut pas s'écraser. Fait que les personnes qui sont avec toi, elles autres, ils auront beau tout avoir un karma pour mourir, là, ben, ils vont s'empoisonner dans l'avion, mais l'avion s'écrasera pas pareil, il y a rien à faire, ça marche pas. Alors, dans l'évolution, il y a toute la mécanique que l'on connaît depuis le début des temps, tant inventée et tant soutenue par les religions. C'est pas spectaculaire, c'est pas méritoire, la conscientisation. La conscientisation, non, c'est totalement différent. C'est Monsieur Chance, Madame Chance, puis Enfant Chance. Dans l'évolution, prenons les religions. L'Église catholique dit, si on vous donne un coup de poing en plein visage, ben tendez l'autre visage. Hein? Bon. Mais pourquoi l'Église parle-t-elle du mérite de manger des coups, plutôt que de dire, si on vous donne un compliment, ouvrez votre cœur pour en savoir recevoir un autre. C'est pas ça qu'on dit. Son t'insulte, ben, laisse-moi insulter. Bon. Quelqu'un, il te vole ton manteau, donne-lui tes souliers. Il faut pas rencontrer un autre, parce que dans une autre religion, on va te dire, prends tout. Et prenons l'exemple de la religion musulmane. Une grande partie des musulmans comprennent bien que pour parvenir au ciel, donc vous rencontrer Allah, ils doivent mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Ça veut dire qu'ils doivent faire la guerre sans arrêt, puis évidemment, on souffre, on est encore dans la souffrance. Si on regarde les antiques religions avec les sacrifices humains, puis les sacrifices du plus beau bétail, des plus belles récoltes, souffrance, c'est de l'évolution. Les dieux ont toujours demandé de l'évolution. Les dieux ont demandé ces choses-là. Si on regarde, nommez-moi des religions aujourd'hui. Témoin de Jéhovah, par exemple, pas de problème. Il faut qu'il fasse du porte-à-porte, il faut qu'il se fasse à ma porte à tout bout de champ. Tu sais, c'est qu'on dégrané, il y a des problèmes avec ça. Et puis, il faut qu'il coupe avec la famille. Et le renouveau pentecôtiste, les chrétiens de Pentecôte, par exemple, ou d'autres religions, où tous les livres sont sataniques, sauf la Bible, fait que tes enfants, faut que tu sortes de là, faut que tu te battes avec eux autres, faut que tu t'engueules, faut que tu aies toute la famille de la société contre toi. Les mormons, puis on pourrait en nommer plein. C'est tout du bon monde, sans rien avoir, sauf qu'ils font partie des structures d'évolution. Moi, on dit que c'est compliqué, puis c'est souffrant. Parce que si tu fais pas ce que Dieu te demande, t'as le choix de faire ce que tu veux, mais t'es mieux de faire ce que je veux, parce que sans ça, Dieu, il tape dans le lot. Ça fait partie de l'évolution. Mais c'est ce que l'intelligence fait aussi. C'est ce que l'intelligence veut chez l'humain qui n'est pas intelligent. Non, dans l'intelligence, pas comme ça, c'est parce que ton égo résiste. L'intelligence est patiente, l'intelligence, elle descend chez toi, là, à petite goutte. Et puis elle fait plouc, puis elle dit, allô, c'est moi. Puis là, ton égo, il veut rien savoir, c'est là que c'est souffrant. L'intelligence, elle ne t'a jamais mortifié. Quand on dit l'intelligence te tape dessus pour que ton égo se prenne pas au sérieux, puis l'ego tire par en bas parce qu'il veut pas que l'intelligence se développe chez toi. En réalité, l'intelligence, elle, tout ce qu'elle fait pour te taper dessus, là, c'est que fin que t'as fait, elle fait juste te faire voir clair. C'est la friction entre l'ego et l'intelligence qui est douloureuse. L'intelligence fait juste te faire voir clair, elle te donne l'extra-lucidité. C'est tout ce que te fait l'intelligence. Quand on parle d'intelligence supramentale, d'énergie christique, d'esprit saint, c'est la même chose. Ça te donne l'extra-lucidité. Ça te fait voir ce qui se passe. Juste ça que ça fait l'intelligence. Là, ton ego est frustré, ton ego il veut se prouver ou prouver à qui que ce soit que c'est lui qui va mener. Puis là, tu continues à t'esquinter les coudes, à t'esquinter la face, puis c'est là que tu descends malade, pas d'argent, pas d'amis, ou crise existentielle, ou etc. Uniquement parce qu'on résiste. Regardez ceci. Les personnes, à un moment donné, là, qui ont acheté un appareil, un ordinateur, ou un faux micro-ondes, souvent, ou encore un système de son avec des pitons, ou un vidéo avec plus que 15 pitons, vous savez, là, bon. Là, vous commencez à lire, vous commencez à apprendre ça, puis c'est pas là, à un moment donné, qu'on sent des frustrations à l'intérieur de soi. Les personnes qui ont vécu ça. Mais ces frustrations-là qu'on sent, à un moment donné, on te met tout ça là, là, c'est exactement ce que l'ego sent quand l'intelligence commence à lui donner de l'information. Alors, puis à un moment donné, c'est évident que la petite télécommande, tu décides de l'acheter, là, puis tu vas aller te lever à chaque fois pour aller clic, changer de poste, là. Le tapping, tu comprends pas ce qu'ils veulent dire par là. Ou tu approches ton fauteuil, puis tu dis avec ton orteil, clic, tu changes la télévision. Bon, c'est bien correct. C'est une télécommande. Ouais, c'est ça, c'est un télécommande. Et puis, tu penses que c'est mieux comme ça, parce que l'ego va juger. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que la personne vit un stress. Dans l'extra-lucidité amenée par l'intelligence supramentale, tout ce que ça fait l'intelligence chez les individus qui ont des problèmes d'existentialité à un moment donné, tout ce que l'intelligence, elle a fait, c'est qu'elle vous a montré comment c'était. Hein? Elle vous a ouvert les yeux. Disons qu'elle vous a ouvert une cellule oculaire. Dans ce cas-là, disons que l'ego jetterait le télécommande, comme ce que tu disais tantôt. L'ajusteur de pensée nous arrêterait dans la pensée, du moins, de dire que c'est idiot, en disant c'est idiot que je ne puisse pas m'en servir, au lieu de dire c'est idiot d'avoir fait un télécommande. C'est-à-dire que ça dépend simplement encore de la quantité de gouttes d'intelligence qui descend dans le cerveau de la personne. Mais l'important surtout de retenir, c'est que l'intelligence, jamais l'intelligence ne va te mettre dans des problèmes. C'est la résistance de l'ego. La personne, pourquoi la personne elle est frustrée? C'est parce qu'elle ne veut pas apprendre quelque chose de neuf. Moi, j'ai acheté un ordinateur à un moment donné. J'avais le goût d'écrire un livre, et puis j'ai acheté un Commodore 64. C'était extraordinaire, c'était génial. Mon frère, il avait eu un ZX80, lui, avec un lecteur de cassette. Tu sais, tu mets ta cassette dedans, puis ta DAC qui trouve où est-ce que tu veux aller, pas ce que tu montes. Là, avec le Commodore 64, avec un lecteur de disquette, parce que c'était tout le luxe en tabarouette, avec un accès aléatoire là-dessus, c'était merveilleux. Génial. Et puis, là, j'ai appris, c'était parfait. Là, c'était mon premier ordinateur, c'était parfait. Là, j'ai appris un traitement de texte qui s'appelait Traitex. Ben, correct aussi. Puis, à un moment donné, ben là, j'ai voulu passer un peu plus haut, puis j'ai acheté un ordinateur beaucoup plus gros. Sauf que l'ordinateur plus gros était mauditement mal fait. Ah, il était pas comme le Commodore 64. Fait que maudit qu'il était mal fait. T'sais, là, il fallait marcher, on fonctionnait sans qu'une souris à la place. T'sais, il fallait que tu pèses là, puis c'était pas vraiment le bon bouton, puis c'était pas la bonne place. Puis maudit que c'est mal fait. Là, parlez-moi plus d'un Commodore 64. Et ça, c'est un dinosaure. Ça, c'est un petit dinosaure de rien du tout, ça, là. L'autre ordinateur, il n'y a rien de mieux. J'ai passé à un IBM avant. Après ça, je passais à celui que j'ai présentement. Là, parlez-moi plus d'IBM non plus. Mais je me suis rendu compte qu'à l'époque, à chaque fois que je changeais de système d'exploitation, donc, de mécanique d'ordinateur, à chaque fois, j'avais des raisons en masse pour trouver que l'imbécile qui avait fait ça, là, n'était pas brillant. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je m'adapte à des choses neuves. C'était mieux, c'était différent, par contre. Je change d'automobile. Première chose que je dis au vendeur, je dis, ouais, mais est-ce que le tableau de bord est numérique? Parce que le mien, c'est des chiffres, c'est écrit. Hein? Il dit, non, ça, ils n'en font pas dans ces modèles-là. Ah, ben. Cadran torieux. Tu es capable de lire un cadran, toi aussi? Il me semble, je suis capable de lire un cadran. C'est pas compliqué, mais. Là, j'essaye l'automobile, puis là, les fenêtres sont électriques, fait que je viens pour baisser la fenêtre, pas de bouton. Ils sont au milieu. Hey, c'est-tu épais? Mets-tu au milieu. Faut, franchement. C'est bien plus commode à gauche. Pourquoi? Ben, parce que ça fait 5 ans que je baisse les fenêtres à gauche. Et finalement, ça a raison. Ouais. Mais en voulu, les raisons d'épais vont pas changer. Là, finalement, elles sont au milieu. Puis là, j'ai essayé de voir pourquoi les caves avaient mis ça au milieu. Pour me rendre compte que dans mon automobile, il y avait juste deux fenêtres. Fait qu'il y avait un bouton, deux boutons, puis l'autre avait son bouton. Là, dans celle-là, il y en a quatre fenêtres. Tu me vois-tu à quatre boutons ce côté-là? Il y en a, ça fait épais. Les autres, ils l'ont fait mince. Puis là, ils ont mis le bouton ici. Plutôt que d'en faire quatre boutons, le répéter deux fois, ben ils ont tout mis au milieu. Tu sais, c'est intelligent. Sauf que pour l'ego, c'est toujours con. ton foudre est pas bonne place, t'accotes pas à même place. Ben oui, ben avant t'as pas d'accotoir, puis là, en veux-tu des raisons pour bouger? C'est ce qui fait en sorte que l'humain est sans arrêt frustré vers le neuf. La résistance au changement. La résistance au changement. Donc, dans la conscience, c'est la même chose. Si on élimine la résistance au changement de plus en plus, est-ce qu'on tombe ou monte dans la conscientisation? Éliminer la résistance au changement, vous savez ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que de l'évolution va passer agréablement et avec le sourire à la conscientisation. Éliminer la résistance au changement, ça veut dire que même si la génétique n'est pas prête, par l'entraînement et par la formation, les personnes vont faciliter énormément la transition de l'être ancien à l'être nouveau, c'est-à-dire de l'être évolutif à l'être conscientisatif. Alors, la résistance, éliminer la résistance au changement. Mais pour éliminer la résistance au changement, il faut que la personne subisse certaines transformations. Pour prendre un exemple. Est-ce que vous conservez beaucoup de souvenirs du passé? Alors, vous vous préparez un maudit karma. Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir vous débarrasser d'un paquet d'affaires, puis toutes ces choses-là sont des mécaniques mémorielles qui vont vous empêcher d'avancer vers le monde. Souvenirs, ça peut être des photos, des objets, des bibelots, des... Du linge que tu ne mets plus, du linge que les autres mettaient, etc. Un conjoint que tu ne te sers plus. Un enfant à qui tu ne parles plus. Un parent. Tu sais, je dis, c'est pour ça que c'est bon de faire la conférence. Bon. Posez des questions. Vieille maison. C'est ça. Mais des souvenirs, non, mais je ne m'en déferais pas nécessairement. Mais ce que je veux savoir, c'est dans les souvenirs du passé, parce que ça inclut tout ce qui ne te sert plus. Les personnes qu'on connaît, les mémoires. Non, ça inclut tout ce qui ne te sert plus. Okay. Alors, c'est vrai, le conjoint. C'est vrai, les amis qui ne vous servent plus. Vous étiez alcoolique, puis là, vous n'êtes plus alcoolique. Enfin, vous ne buvez plus. Et puis, vous voulez encore voir vos vieux chums. Puis, etc. Puis, c'est pas ça. À un moment donné, on change de monde. On prend ses pénates, on change de quartier, puis on déménage pas le quartier. On m'a téléphoné, on m'a écrire. L'être qui se conscientise, là, il téléphone pas, puis il écrit pas. Il va se dire, moi, je déménage plus huppé, puis quand ils déménageront plus huppé, on se mettra en contact, si ça vaut la peine. On pense sans arrêt qu'on a les meilleurs amis du monde. Sur 5,282 milliards d'humains, j'en ai rencontré 28, c'est les meilleurs. Il y en a 4-5 que je déteste, là, mais ça, c'est les meilleurs. On n'est pas pire. C'est comme toi, tu dis, par exemple, ta femme est belle. Je t'ai pas vu les femmes de sa planète. Peut-être qu'elle est plus belle, mais tu sais pas. C'est pas grave, ça. Mais elle veut pas que je regarde tout avant de Parce qu'elle est cassée. Je suis curieux que ça me prendrait trop de temps avant de me faire une idée. Ou certains, surtout que rendu à 5 milliardièmes, ben non, ils ont même 60% de femmes, faut que tu recommences, oublier comment t'es fait les autres, puis va pas les revoir, puis ceux-là, c'est bon. Mais ce qu'on doit comprendre simplement, la résistance au changement, c'est le gros handicap de l'humain. Les maladies, le vieillissement, c'est la résistance au changement. Les cellules, sans arrêt, sont obligées de coder. On prend une cellule, on sait comment ça fonctionne, une cellule, hein? Ça vit de mitose. Ça se divise en deux, avec deux petites cellules qui grossissent, ils se divisent en deux, ça fait des cellules comme ça. Puis ça, c'est éternellement. La preuve, je suis constitué, moi, d'une cellule qui, à un moment donné, descend d'un bonhomme ou d'une bonne femme qui a vécu de quelques millions d'années. Bon. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que nos cellules se reproduisent sans arrêt et normalement, on rejette les vieilles cellules à l'extérieur, une cellule qui est usée un peu, on la repousse, puis une cellule qui se divise en deux, puis on en crée une similitude. C'est vrai chez l'enfant, c'est vrai chez l'adolescent, c'est moins vrai chez le jeune adulte, c'est à peu près plus vrai chez l'adulte, c'est totalement l'inverse de passer l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe? En haut de 35 ans, c'est normalement l'inverse qui se met en France. Là, il arrive quoi? Il arrive que la cellule, elle codifie tellement d'évolution parce que plus on a d'expérience de vie, plus on se conscientise rapidement. Donc, rendu à un certain âge, la conscientisation commence, on passe en deuxième vitesse, l'évolution suit en arrière de ça. Et là, ce qui va arriver, c'est que le corps résiste au changement. Alors, tout ce qui est codé génétiquement en nouveauté, puis je ne parle pas au niveau, par exemple, des quatre protéines, je ne parle pas des quatre molécules fondamentales de la chaîne d'ADN. Je parle au niveau de l'énergie même, de la façon dont sont structurées, par exemple, la guanine, la thymine, etc. Et c'est là qu'il y a des mutations. Mais là, la cellule, ce qu'elle fait, elle, c'est que quand elle se divise, elle s'arrange pour repiquer la mémoire exacte de ce qu'elle était, et elle rejette le neuf. Alors, la nouvelle cellule qui vient remplacer votre peau, elle contient ce qu'il y a de neuf chez l'humain. Et c'est elle qui va tomber à un moment donné. Puis c'est elle que le système digestif va éliminer à un moment donné. Puis c'est ça que le corps va rejeter. Alors, la problématique, c'est que rendu à un certain niveau, le corps cesse d'évoluer et il ne veut plus accepter le neuf. Ne voulant plus accepter le neuf, ils ne pourront pas supporter le neuf. Mais qu'est-ce qui fait dans le corps physique que le corps physique lui-même décide de ne plus accepter le neuf? C'est simplement un stress cellulaire, mais on va revenir. L'astral est... Est-ce que c'est le corps physique qui décide ça ou l'astral? C'est l'astral, parce que l'astral, c'est de l'énergie qui imbibe totalement tes structures physiques. Le corps astral existe uniquement parce que tu as des atomes. Parce que le corps astral, c'est de l'énergie intra-atomique. Alors, nécessairement, il dirige totalement ce qui se passe au niveau énergétique dans les structures intra-atomiques, atomiques, nécessairement cellulaires, moléculaires du corps physique. Bon, moléculaires, cellulaires. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, on rejette le neuf, et rejetant le neuf, ce qu'on conserve, c'est notre expérience de la naissance aller jusqu'à 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et puis là, on pense qu'on est mature. Et puis là, maintenant, le neuf, là, on a vu des choses. On n'a pas tombé la dernière pluie, nous autres, là. C'est 6225 pluies, là. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive que là, on n'est plus capable physiquement de supporter le stress du nouveau. Fait que l'agression du stress du nouveau tue le corps physique carrément. Puis le processus de vieillissement se membrane. Et à un moment donné, le corps physique est carrément plus capable de rien supporter, il décolle. Ça va. Puis évidemment, ben, nous autres aussi, on n'a pas le choix. À vous de faire du ski pas de corps physique, c'est bien compliqué. Fait qu'on en cherche un autre qui va nous plaire. Hein, avec un... Au début des années 1900, le... C'était plus là, quoi. Ça m'a été raconté. Le président de la... dont l'équivalence du bureau des brevets américain écrivait une lettre au président des États-Unis en disant qu'il devait dissoudre le bureau des brevets parce que tout ce qui avait été inventé, tout ce qui devait être inventé, il était sûrement déjà. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on fait dans... C'est absolument génial. On va dissoudre le bureau des brevets en 1905. Ah oui, il n'y a plus rien inventé. Parce que tout ce qui avait à être inventé... On a tout ce qu'on a besoin. On arrête ça. Ah oui, bien, tu sais, Alexandre Graham Bell, lui, quand il a inventé le téléphone, c'était un appareil pour les sourds qui voulaient travailler dessus. Puis quand ça a fait le téléphone, ben ils ont mis sourd encore. Tu sais, ça ne servira jamais. Là. Puis il n'a plein comme ça, c'est sûr. L'humain... D'accord, l'astral vous fait dire ça... Le rejet du neuf. Français assis, j'arrête là. C'est ça, le rejet du neuf. Si on peut rejeter le rejet du neuf, on n'aura plus de problème. Votre mari, votre femme décède, meurt. Vous allez donc devoir vivre une nouvelle vie, sans elle ou sans lui. Aucun rejet du neuf, aucune souffrance de la mortalité. Vous l'aimez quand même, vous l'avez aimé quand même, vous le respectez quand même, mais vous ne pourrez pas en souffrir. Votre automobile passe au feu, vous n'avez plus d'automobile, un monde nouveau s'offre à vous. Écologique ou pas, c'est du neuf. Aucun problème de rejet du neuf, pas de résistance. Ah oui, mais moi, j'en voulais. Aucune résistance, aucune souffrance. Ah, imagine-toi la quantité de maladies, puis de vieillissement, puis de rides que l'humain s'élimine. Il faut que l'humain transite allègrement, agréablement, de l'évolution à la conscientisation. Plus de problème. Vous venez pour prendre de votre bain l'eau froide. C'est comme ça. C'est neuf, comparativement à ce que vous aviez voulu. Aucun rejet du neuf. Ben, vous prenez pas de bain. Vous le prenez habillé, écoutez, avec, parce qu'il fait froid, l'eau est froide. Bon. Mais pas de souffrance. Aucune souffrance. Un bain plus court. Oui. Évidemment. Une chaussette, qu'on appelle. Bon. En chaussette. Mais tu prends l'avion, tu t'en vas comme un de mes amis, t'es en Jamaïque, puis il a amené son bicycle. Et puis, anaérobie, quand ils ont reçu le bicycle, ils ont bien vu que c'était écrit Jamaïque sur la boîte. Mais lui, quand il est arrivé en Jamaïque, il a bien vu qu'il n'y avait pas de bicycle dans l'avion. Il avait le choix. Passer deux semaines à s'adapter, c'est ce qu'il a fait. Première semaine, il gueulait contre la compagnie québécoise qui paie presque ses avions, de toute façon. La deuxième semaine, il gueulait contre les maudits noirs de la Jamaïque, puis l'aéroport, puis ici, puis ça. La troisième semaine, ben, c'était loin un bicycle, puis il vit, c'était correct. Il est parti deux semaines. Ben oui! La cause du rejet du neuf. Hey, c'était nouveau, et puis ça ne s'attendait pas à ça. Tout le long, on s'en allait, là. J'espère que mon bicycle va être dans l'avion. J'espère que mon bicycle va être dans l'avion. Puis là, il se voyait à pédaler. Puis rendu là-bas, pas de bicycle. Il a attendu ce qu'il y avait, Bebel. À un moment donné, il a dit, écoutez, monsieur, il n'y a plus rien dans l'avion. L'avion est reparti. Il faut vous sortir. Fait que, il était bien problématisé. Pourquoi? Parce que la difficulté d'accepter le neuf. Pensez-y. C'est simple, hein? On accepte le neuf, puis immédiatement, au niveau des processus d'ascension, on passe à la conscientisation. Mais vous rendez-vous compte à quand c'est le problème qu'on rejette carrément si on accepte le neuf. Les personnes m'ont dit, ouais, mais là, on devient des êtres naïfs. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Si un être heureux, c'est un être naïf, soyons naïfs, c'est quoi le problème? Naïf, jeune et en santé. Ouais, ça veut dire ça. Naïf, jeune et en santé. En paix. C'est un gros problème. C'est un problème pour les autres, en tout cas, ça doit. Mais c'est pour ça qu'on a inventé des mots pour te culpabiliser d'être correct. Parce qu'on vieillirait pas à l'âge comme ça, ou en tout cas beaucoup moins. On vieillirait pas. Mais par contre, pas arrangé comme ça. Vous voyez comment ça parle l'ego? On vieillirait pas arrangé comme ça. Ben, je m'en vais pas, moi, arrêter de chialer demain matin. Ma femme me reconnaîtrait pas, me mettrait dehors. Hein? C'est ça. À moins qu'elle décide de s'adapter au neuf, elle aussi. Ta femme est peut-être prête depuis 5 ans, là. Est-ce que j'arrête de changer? Oui, pas à son changement. Mais l'humain qui finit par rejeter n'a pas besoin de passer par les mécaniques de souffrance où on va l'amener à vivre. Savez-vous ce que c'est que la souffrance et l'écœurement, finalement? C'est uniquement vous obliger à accepter la réalité. Très simple, c'est rien que ça. C'est juste ça. Vous obliger à accepter la réalité. « Oui, mais moi, il me semble que... » De pouvoir rien non plus comme ça, tu sais. « Ah, un flat, un maudit flat! » Ben oui, c'est ça, c'est un flat. C'est pas accepté comme une défaite, c'est pas être défaitiste. C'est accepté comme étant... Ça va changer quoi? Tu achètes un billet de loterie, puis tu gagnes pas, puis tu dis « C'est pas grave, ça me fait un papier pour me nettoyer les craques des dents, ton billet. » Es-tu défaitiste? Je suis pas défaitiste. J'ai pas gagné. Toi, là, tu chiales, là, puis t'as acheté 500$ de billets, là, puis t'as tout perdu au complet. Là, tu commences à dire que l'Auto-Québec, c'est des maudits voleurs, puis il devrait donner plus de prix, puis il devrait... Tu connais ça le comptoir avant d'acheter tes billets. Bon, t'as acheté des billets. T'as perdu tes billets, parce que c'est plus rentable. Quand on joue dans un casino de la mafia, tu gagnes plus d'argent que quand t'achètes des billets à la loterie de l'Auto-Québec. C'est prouvé, c'est connu, ça a été annoncé, ça a été publié, tout le monde le sait. Bon, mais là, c'est parce que la toile du stade n'arrête pas de se déchirer, puis le casino à Las Vegas... Oh, mais c'est parce qu'il y a un banc qui a terminé toujours payer une orange. C'est pas fini de payer ça. C'est ça, oui, mais... Vous avez des questions sur la conscientisation, vous les écrivez sur n'importe quel sujet, on va y revenir, puis en attendant, ben c'est ça, là. Essayez de rejeter le neuf, vous allez voir, c'est intéressant. À tout à l'heure.